avec toi-même. La musique on se sent bien, plus sympathique avec toi-même. De guitare on ne se jette plus dans la bagarre. Le monde pourrait jouer de la musique, il serait beaucoup moins atomique. Le monde pourrait jouer de la guitare, il serait beaucoup bien moins barbare. Allez jouer de la musique et rendez-nous la vie magique. Allez jouer de la guitare, faites que la terre devienne un phare avec des jardins bucoliques, des mares couvertes de nénuphars. Ne pensez plus à l'Amérique et à son rêve qui vire cauchemar. Mettez à fond toutes les musiques, faites sonner toutes les guitares. Et dans une salsa magnifique, chassez la guerre et ses pétards.